Votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. Ben, l'Avalanche du Colorado l'a emporté hier par la marque de 5-1 sur la formation du Wild du Minnesota. À noter que dans le match que Samuel Girard a amassé une passe dans le cas du défenseur de Robert Val, il a joué 16 minutes 7 secondes et a terminé le match à plus 1. Donc victoire hier de l'Avalanche 5-1 sur le Wild. Maintenant, grosse victoire hier des Castors de Dolbeau dans le cadre du troisième match de la Ligue de hockey midget régional. Les Castors l'ont emporté 4-3 sur les Marquis à Jonquière. Le quatrième match de la série aura lieu vendredi soir au complexe sportif du secteur de Dolbeau. Parlons maintenant de la Ligue du Lac au Fleuve. Hier, sur les ondes de CKJ, l'émission dans le vestiaire animée par Michel Tifaut, le directeur général de la Ligue du Lac au Fleuve, Mathieu Caron, a admis d'être satisfait de la première année des activités de la Ligue du Lac au Fleuve. Honnêtement, on a été très surpris un peu du calibre de jeu qu'on pouvait offrir aux partisans de chaque organisation. Au début, on pensait faire une petite ligue de hockey senior. On pensait pas vraiment qu'on avait vraiment d'indices un peu du calibre sur la tête. Mais quand on a commencé les premières games, on a été surpris un peu du calibre qu'on pourrait offrir. On a eu des très bons commentaires venant des quatre places. Mathieu Caron a admis également que les hommes forts sont encore le bienvenu l'an prochain. Par contre, c'est très important que les hommes forts se battent entre eux et laissent les bons joueurs de hockey tranquilles. Écoute, on a toutes nos opinions différentes un peu là-dessus. Là. C'est sûr que le TOS, c'est bon pour attirer les foules. T'sais, tout le monde le dit, même dans la ligne américaine, c'est que le fait des TOS, ça diminue un peu les foules là-dessus. Par contre, moi, ce qu'on promouvoit, puisque tout le monde est d'accord avec ça, c'est que s'il y a des TOS dans les équipes, ben s'ils décident de voir se battre entre eux autres, il n'y a pas de problème. Mais si nous autres, ce qu'on veut pas, c'est que les TOS se pognent aillent pogner les bons joueurs. Ça, c'est ce qu'on veut pas. Parce que les bons joueurs, on a besoin pour justement jouer au hockey, qui est la base. Donc, si ces bons joueurs-là ont peur de se faire peut-être attaquer par un top, là, c'est peut-être là qu'on va être. Le monde va être plus réticent à venir jouer dans notre ligue. Fait que c'est pour ça que vraiment, là, tu sais, présentement, là, on est quand même, tu sais, on est quand même très bien. On a eu en moyenne une bagarre par match qu'on a eu cette année. Dans un dernier temps, Mathieu Caron a également mentionné qu'il pourrait y avoir une cinquième équipe l'an prochain dans la Ligue et les quatre seront de retour. C'est une bonne solution. Et on va rester comme on est là pour le futur. Puis on verra. Est-ce qu'on peut aller chercher, mettons, du Trois-Rivières? Est-ce qu'on peut aller à l'intérieur? Les régions sont proches, là. Ça peut être une possibilité. Je sais qu'on a eu des discussions dernièrement avec un club à l'extérieur de la région. Une organisation à l'extérieur de la région qui voulait avoir des renseignements. Donc, on a commencé le projet avec eux autres. On est en attente là-dessus. Je ne peux pas dire de nom présentement parce qu'eux autres n'ont rien de confirmé de leur côté. Mais on est au travail. Là. Fait que l'année prochaine, je peux vous confirmer que les quatre clubs qui sont présentement là vont être de retour. Peut-être... Compétition à Trois-Rivières en fin de semaine de patinage de vitesse sur courte piste. Il y avait des résultats vous mentionnés chez les filles. Kiara Paget de Saint-Félicien a pris le 16e rang et chez les filles de 12 ans, Alexandre Simard de Saint-Félicien a terminé au 9e rang. À Trois-Rivières, Léonie Bradette de Saint-Félicien a pris le 13e rang. Karina Montmeillier de Péribonca a terminé au 18e rang. Marianne Gay a enlevé la 21e position. Et Mélina Tremblay du Centre Georges Vézina ou du club Marc Gagnon, mais qui est natif du Haut-du-Lac, a terminé au 26e rang. Et ce soir aura lieu la dernière soirée d'inscription pour la saison 2018 de l'Association de soccer de Dolbeau-Mistassini. Ça va avoir lieu entre 18h30 et 20h30. Les débuts d'activité auront lieu le 21 ou le 28 mai. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec plusieurs intervenants. D'abord, on a parlé avec Jason Lajeunesse du Marcos Pub de Saint-Félicien. Également, je me suis entretenu aussi avec Jonathan Hudon. C'était la chronique des Saguenay de Chicoutimi. Et vous pouvez également écouter Mathieu Caron de la Ligue du Lac au Fleuve, qui était de passage hier à l'émission Dans le vestiaire, à l'émission de Michel Tifaut. Le sport local et régional à danradiosport.com. La référence du sport, on s'en occupe.